La lettre chargée. La scène se passe devant le guichet d'un bureau de poste entre Labrige, qui représente le français moyen du début du siècle, et un employé. Pardon, monsieur. Un de mes amis qui me devait 100 francs vient de me renvoyer cette somme. Il me l'a expédié par lettre chargée à mon nom, bien entendu, mais adressée au ministère de l'Intérieur, où je suis comme principal. Le facteur chargé de me la remettre s'est présenté à mon bureau avant que j'y fusse arrivé. Et il l'a remporté, comme c'était son devoir. Vous l'avez dit. Elle a donc fait retour à la poste. Et à cette heure, c'est moi qui l'ai. Ah. Voulez-vous me la donner, s'il vous plaît? Je suis monsieur... Monsieur Labrige. Il est vrai, mais comment? Vous ne me remettez pas? Mon Dieu, j'ai eu l'avantage autrefois de me trouver souvent avec vous au vendredi des Crottes-Mouillots. Chez les Crottes-Mouillots? Oui. Oh, mais est-ce que je ne vous dois pas 100 sous? C'est possible. Mais c'est même certain, je me souviens parfaitement. C'était un soir, il pleuvait. J'étais sorti sans argent, je vous ai emprunté 5 francs pour prendre un fiacre. Excusez-moi d'être encore votre débiteur. Oh, mon Dieu, ce n'est rien. Non, mais vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? On se rencontre, on s'emprunte 100 sous un jour qu'il pleut. Après quoi, il fait bon, on se perd de vue, les années passent. Oui, mais oui. Rappelez-moi donc votre nom, c'est Racrevet, je crois. Rabouy. Racuit. Ah, c'est pareil, c'est ce que je voulais dire. Vous avez une sœur. Eh oui, monsieur. Fort blonde, hein? Fort blonde. C'est bien ça, oh, la délicieuse jeune fille. Je la fis valser bien des fois. Je vous prie de m'excuser si je ne vous ai pas reconnu. Je ne m'attendais pas au plaisir de vous voir, puis vous êtes à contre-jour, alors, n'est-ce pas? Eh bien, enchanté de vous retrouver en bonne santé. Et votre sœur va bien? À merveille. Veuillez me rappeler à son bon souvenir, à lui faire tous mes compliments. Je n'y manquerai pas. Mille grâces. Donc, vous avez une lettre pour moi, une lettre chargée, contenant 100 francs. La voici. Bon. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous ne voulez pas me donner ma lettre? Je veux bien vous donner votre lettre, mais il vous faut, au préalable, justifier de votre identité. À qui? À moi. À vous? Sans doute. Ah, ben elle est bien bonne. Il faut que je vous établisse comme quoi je suis monsieur Labrige, alors que vous avez été le premier à me reconnaître, pour m'avoir vu 20 fois naguère, chez nos amis les Crottes-Mouillots. Non, je vous ai reconnu en tant qu'homme du monde. Mais j'ignore qui vous êtes en tant que fonctionnaire. Certes, j'avais entendu parler des chinoiseries administratives. Mais alors celle-ci... Ah, je suis employé de l'État. Les règlements sont les règlements. Et je ne saurais les enfreindre sans risque. Non, mais écoutez... Hey, monsieur, il y va de ma responsabilité. Supposez que vous ne soyez pas le destinataire de cette lettre et que je vous la remette cependant. Qu'arriverait-il? Il arriverait primo que je serais engueulé comme du poisson pourri. Oh, ça, vous secondo, avez... que j'aurais à rembourser de ma poche les 100 francs valeur déclarée, accusée à sa suscription. Mais que diable allez-vous chercher là? Suis-je, oui ou non, monsieur Labrige? De votre propre aveu, le suis-je? Vous êtes monsieur Labrige, c'est vrai. Eh bien alors? Ah, eh bien, justifiez, preuves en main, que vous êtes bien cette personne. Et je vous remettrai ce qui vous est dû. Oh, oh, oh. La forme. Enfin, voici des enveloppes de lettres. Ça ne suffit pas. Avez-vous votre carte d'électeur? Attendez. Non, justement, je ne l'ai pas, mais je peux vous montrer ma quittance de loyer et mon contrat d'assurance. Je m'en contenterai. Ah, c'est heureux. Voici ces deux pièces. Merci. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, oui. Alors? Oui, je reconnais l'authenticité de ces documents. Ah, ah. Seulement, ils ne prouvent rien. Pourquoi? Parce qu'il concerne un nommé Jean-Philippe Labrige, domicilié 41 bis rue de Douai, alors que la lettre chargée, objet de votre démarche, intéresse un nommé Labrige, prénommé aussi Jean-Philippe, mais domicilié place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Si bien que voilà le ministre obligé de me louer un bureau ou de m'assurer contre le feu. Faute de quoi, ce sera comme des pommes pour rentrer dans mes 100 francs. Ah, rassurez-vous, la lettre vous sera représentée. Ah oui, quand? Demain matin, à 8 heures. À 8 heures. Bon, les bureaux n'ouvrent qu'à 10. Puis à midi. De mieux en mieux. C'est le moment où je pars déjeuner. Puis à 10 heures. Du soir. Parfait. Le ministère ferme à 5. Ah, monsieur, j'en suis désolé, mais avec la meilleure volonté du monde, il n'est pas possible à la poste de modifier les heures de courrier à seule fin de les faire concorder avec vos heures de présence au ministère de l'Intérieur. Alors Alors Alors, c'est bien ce que je pensais. Nous passerons, le facteur et moi, la moitié de notre existence à tenter de nous rencontrer, et l'autre moitié à flétrir la fatalité exécrable qui nous isolera, moi et lui, trois fois chaque jour, à heure fixe, sur des points différents du globe. Cependant, sciemment et de sang-froid, vous persisterez à détenir entre vos mains une somme d'argent dont j'ai besoin et que vous savez être à moi au point de n'en pouvoir douter. Monsieur... Monsieur, cela est trop absurde. Si je connais bien le règlement, le destinataire d'une lettre chargée entre en possession de son dû, moyennant décharge au facteur par lui, donnée sur un petit livre à cet effet. Oui. Ceci sans le concours d'aucun contrat d'assurance, d'aucune quittance de loyer en un mot, d'aucune sorte de papier authentique répondant de l'identité du signataire. Non. C'est tout ce que je voulais savoir. Vous trouvez donc bon, monsieur, que je donne la somme de 20 sous au concierge de mon ministère afin qu'il réponde « C'est moi », quand le facteur, ma lettre à la main, viendra lui demander « Monsieur Labrige ». Je n'y vois pas d'inconvénient. Vous voudrez bien tenir pour excellente la griffe Jean-Philippe Labrige qu'apposera sur registre officiel ce personnage appelé Pépin. Pourquoi pas? Ce sera un faux. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Oh, rien du tout. Nous voici d'accord et vous m'envoyez plein de joie. Monsieur, à l'honneur de vous revoir. Ah, mes amitiés à votre sœur. Serviteur de tout mon cœur. Quant aux 100 sous, ça ne presse pas. Oh, oh, oh. Où avais-je la tête? Les voici. Oh, merci mille fois. Pardon. Quoi? Un instant. Vous êtes bien, monsieur Rabouy? Racuit. Ah oui, c'est pareil. Racuit, oui, je veux dire. Et parbleu. Bon, vous pouvez me l'établir? Établir quoi? Et que vous êtes bien cette personne. Moi? Vous avez des parchemins? Et monsieur? Des lettres de noblesse? Ah, ça... Vous êtes au Gotha, j'imagine. Mais... À l'annuaire des châteaux? Non. Non? Eh bien, mon cher monsieur, allez vous y faire inscrire. Non, mais dites donc, vous vous fichez de moi. Oh, j'en suis tout à fait incapable. Seulement, vous savez le proverbe. Les bons comptes font les bons amis. J'ai emprunté 100 sous à un homme du monde. Je n'ai aucune espèce de raison pour les rendre à un rond de cuir. Au revoir, monsieur Rabouy. Racuit. C'est pareil, je vous l'ai déjà dit.